Bonsoir et bienvenue dans cette humeur vagabonde qui va aujourd'hui s'intéresser au plus célèbre embastillé de France. Celui qui, ayant passé plus de la moitié de sa vie entre quatre murs, y a conçu et rédigé l'œuvre la plus dérangeante, la plus révulsante et sans doute pour cela la plus fascinante de l'histoire des idées. Donatien Aldonze François de Sade, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, est passé récemment et quasiment directement de l'enfer des bibliothèques et des prétoires au paradis de la Pléiade. En est-il davantage lu et compris pour autant ? On peut en douter. Mais le scandale absolu que représentent ses écrits n'a lui rien perdu de son éclat. Après les surréalistes et dans le sillage de Jean-Jacques Pauvert, Annie Lebrun s'est attachée depuis bientôt 7 ans au décryptage et à une interprétation originale de la pensée sadienne dans sa totalité, sans laisser de côté ses pages les plus noires. Car pour elle, comme la Révolution l'était pour Michelet, Sade est un bloc, même s'il s'agit d'un bloc d'abîme. Tellement jeune et belle, avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain la belle et grande aventure. Alors je monte le son et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Thank you. Aston Villa résonne. Annie Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce sont les surréalistes dont vous avez été très proche hein, qui vous ont amené à Sade? Est-ce qu'avant, vous aviez lu Sade? Oui, c'est-à-dire oui et non. Moi, je suis arrivée, c'est lié forcément au surréalisme, mais je suis arrivée à Sade par le roman noir. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on a appelé cette sous-littérature qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle dans toute l'Europe et qui est, à mon avis, tout à fait étonnante parce que là, de façon complètement imaginaire et de façon collective, se met en place un décor qui va être celui du romantisme. Et ce qui m'avait fascinée dans ces romans où c'est l'histoire d'une jeune fille pure sans tache qui, par les malheurs de la vie, se retrouve jetée sur les routes, c'est que là, tout se passe comme si il s'agissait d'un théâtre imaginaire que l'imagination collective avait mis en place pour se poser les questions que les intellectuels du moment ne savent pas poser. Plus précisément, il m'a semblé que dans ce décor où on va aborder la fureur de la nature, mais aussi la violence des désirs, tout d'un coup, on essayait d'aborder les conséquences de la disparition de la figure divine du paysage sensible et intellectuel. Et là où les philosophes des Lumières essayent de glisser sur des questions fondamentales comme celle du mal et comme celle du désir, voilà que c'est justement ces forces-là qui sont mises en scène dans ce décor imaginaire et dans ces livres qui vont être lus dans toutes les classes sociales pendant à peu près une cinquantaine d'années. Et c'est en m'intéressant à ces livres-là que je me suis rendu compte que, eh bien, c'est comme ça que j'en suis arrivée à Sade, que Sade avait repris le même décor, mais que lui commençait en quelque sorte ses histoires où l'imagination collective s'arrête. C'est-à-dire, à la fin de ces livres, donc, où la jeune fille, croyant trouver refuge au milieu de la forêt et des orages, trouve un château dans lequel il y a un maître qui... Donc elle pense qu'elle va trouver refuge, et puis tout d'un coup, elle tombe dans les griffes, en quelque sorte, d'un méchant. Et bon, dans ces histoires-là, comme en général, dans ce genre de roman, tout est bien qui finit bien, il y a un rétablissement moral. En revanche, Sade, lui, va commencer là où ça se finit, et va en quelque sorte explorer tout l'informulé de ce mouvement de sensibilité. C'est comme ça que je suis... C'est en quelque sorte par l'espace, fascinant d'ailleurs, du château fermé, du décor, que j'en suis arrivée à Sade. Mais Sade, qui est donc très, très, enfin, qui s'inspire de ses romans gothiques, de ses romans noirs, n'a pas eu la même vogue, en tout cas, puisqu'il a été très vite interdit de lecture, jeté en prison. Et c'est quand même dans les années 50, et c'est avec le mouvement surréaliste qu'un intérêt pour Sade, et surtout une relecture de Sade, a commencé. On va écouter la voix d'André Breton, que vous avez bien connue, Annie Lebrun, et qui parle de cet apport essentiel de Sade. Si le surréalisme a porté au zénith le sens de cet amour courtois dont on fait généralement partir la tradition des cathares, souvent aussi il s'est penché avec angoisse sur son nadir. Et c'est cette démarche dialectique qui lui a fait resplendir le génie de Sade à la façon d'un soleil noir. N'est-ce pas Valérie qui disait que l'érotisme n'est jamais loin des véridiques ? À se maintenir dans les très hautes sphères où le situent des poèmes tels que « Hymne » de Baudelaire, « Aimée » de Germain Nouveau, « Amoureuse » d'Éluard ou presque tout le recueil « Je sublime » de Perret, cet amour porté à l'incandescence tendrait vite à se désincarner. L'admirable, l'éblouissante lumière de la flamme ne doit pas nous cacher de quoi elle est faite, nous dérober les profondes galeries de mines, souvent parcourues de souffles méphitiques, qui n'en ont pas moins permis l'extraction de sa substance, une substance qui doit continuer à l'entretenir si l'on ne veut pas qu'elle s'éteigne. C'est en partant de ce point de vue que le surréalisme a tout fait pour lever les tabous qui empêchent qu'on traite librement du monde sexuel et de tout le monde sexuel, perversion comprise. Monde dont j'ai été amené à dire plus tard qu'en dépit des sondages entre tous mémorables qui auront opéré Sade et Freud, il n'a pas, que je sache, cessé d'opposer à notre volonté de pénétration de l'univers son infracassable noyau de nuit. Infracassable noyau de nuit, voilà, c'est une belle expression pour définir le marquis de Sade. Vous-même, Annie Lebrun, vous l'opposez radicalement à Descartes qui dit « je pense donc je suis » et en fait, le marquis de Sade dit « j'ai un corps donc je pense ». Oui. C'est pour vous une conception radicalement différente de tout ce qui fait l'école de pensée française, finalement. Oui. C'est une destruction, c'est quoi? C'est un nihilisme? Non, il s'agit à mes yeux du premier raté véritablement conséquent. Alors je voudrais aussi revenir sur l'intérêt des surréalistes et de Breton pour Sade, parce que effectivement ils ont eu une importance capitale pour rendre compte de l'envergure de cette pensée. Et il faut dire aussi que c'est à la suite que le premier qui a vu à quel point Sade révolutionnait la pensée, la façon de concevoir le monde et de concevoir l'homme dans le monde, c'est Apollinaire. Et le grand mérite des surréalistes a été de continuer et d'approfondir en quelque sorte cette approche de Sade qui est peut-être la première façon de penser avec le corps. Alors, au départ, dans le manifeste du surréalisme, Breton fait une fameuse liste en disant qui est surréaliste, qui dans les ancêtres, dans les gens du passé, qui a été surréaliste et comment. Alors, Chateaubriand est surréaliste dans le paysage, et Sade est surréaliste dans le sadisme. Alors moi, quand j'ai vu ça, quand je retravaillais sur Sade, j'étais un petit peu agité, je me suis dit qu'est-ce que c'est, quand même il exagère, qu'est-ce que ça veut dire, bon. Et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que dans le fond c'était une des formulations les plus justes de l'apport de Sade, c'est-à-dire que ce que cherchait le surréalisme, pourquoi ils se sont retrouvés à ce point dans le surréalisme indépendamment de la distance des uns et des autres par rapport aux conceptions de Sade, et même bon, les conceptions de l'amour de Breton sont très lointaines des positions de Sade à ce sujet. Il n'empêche que les uns et les autres ont voulu que chaque être commence à penser à partir de ce qu'il a d'unique. Et c'est ça aussi le grand apport de Sade, qui, contre tout le monde, a commencé à penser à partir de ce qui le séparait des autres hommes, c'est-à-dire à partir de sa singularité sexuelle. Et là, il y a quelque chose de fascinant, aussi bien dans l'histoire de la pensée que dans l'histoire de la façon de penser le corps et de penser les rapports du corps et de la pensée. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Alain Bachung, La nuit je mens. Annie Lebrun, on sait que le marquis de Sade était enfermé à la Bastille jusqu'à 3 jours avant la prise de la Bastille, le 14 juillet 89, et il est devenu assez vite le symbole de l'arbitraire royal, puisqu'il y avait été enfermé par une lettre de cachet, avec la bénédiction de sa famille. Mais en même temps, ce symbole de l'arbitraire, d'une justice complètement soumise au pouvoir royal, c'était aussi en même temps un vrai criminel qui était allé en prison, non pas pour ce qu'il écrivait, puisqu'à l'époque, il n'avait pas encore écrit des choses qui bouleversaient les gens, mais parce qu'il était accusé d'actes de sadisme, on peut le dire, envers des prostituées. Et ensuite, on sait qu'il avait quand même des déviations sexuelles que la loi réprouve. Donc, il y a cette ambiguïté du personnage qui, à la fois, est en lutte contre de vraies injustices, qui sont le manque de justice dans ce pays, et notamment contre la peine de mort, on le verra ensuite, mais en même temps, il paye de vrais forfaits. Il y a une dualité chez cet homme. Oui, enfin, il y a aussi une dualité dans la justice, qui, comme vous savez, est très relative, parce que si les actes de Sade, on n'a pas encore tout à fait déterminé, mais il a fait des choses sûrement, qui serait aujourd'hui répréhensible, ne l'était nullement à l'époque. Et surtout pour quelqu'un de sa classe. Donc, ce qui est remarquable, c'est qu'à plusieurs reprises, il aurait pu sortir de prison, il aurait pu recouvrer la liberté s'il s'était engagé à s'amender. Et ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que il a tout de suite vu l'enjeu qui était en question, c'est que il n'acceptait pas d'être changé. Il était tel qu'il était et il avait les idées qu'il avait et pensant justement à partir de sa singularité, il n'a pas voulu en démordre. Et c'est ça qui fait la sorte de... aussi qui est lié à la puissance de sa pensée, qui est que il va refuser la justice des hommes, la morale des autres, en mettant en cause tous ses fondements. C'est ça aussi qui est aussi la sorte de scandale fondamental de Sade, surtout au moment, à une époque où la philosophie, toutes les réflexions sur le droit sont éminemment sociales, où on ne songe qu'au bien collectif, et alors que lui commence justement à partir de ce qui sépare l'individu du reste des hommes. Alors c'est là que se fait le retournement fondamental dont j'ai parlé, parce que c'est à la fois il montre le fondement arbitraire de toute l'organisation sociale, mais aussi de toute pensée, justement en la reliant à l'arbitraire du désir, et que d'un autre côté, il oppose l'unique contre le nombre, quel qu'il soit, et que à partir de là, il y a quelque chose de profondément scandaleux et de fondamentalement irrécupérable. Et qu'il y a c'est pas seulement une ambiguïté chez Sade, c'est aussi un être de contradiction continuelle, et c'est aussi ce qui fait la grandeur de cette pensée-là, qui est également une pensée extrêmement tourmentée. On va écouter Jean-Jacques Pauvert parler de Sade. À partir de 1767-68, Sade va passer pour un monstre. Un monstre, quelqu'un qui cause la mort de 25 personnes en donnant des dragées empoisonnées dans un bal, qui coupe en morceaux une ouvrière en chômage qui lui demandait l'aumône, on dit c'est l'affaire d'Arcueil, etc., etc. Bon, et ça va devenir un monstre. Bon, et puis à partir de 1930, on commence à dire, mais il n'a jamais rien fait, vous savez, cet homme, après tout, c'était un écrivain, c'était un poète, il rêvait, il avait des fantasmes, mais on n'a rien à lui reprocher, il a donné une fessée, un jour une prostituée. Et ça n'est pas vrai non plus. C'était réellement un criminel parce qu'il s'était rendu coupable de délits qui sont d'ailleurs moins graves aujourd'hui qu'à l'époque, contrairement à ce qu'on a dit, mais qui sont des délits réels. Il a reconnu lui-même qu'il avait enlevé des mineurs, des enfants, ce qu'il appelait les petites filles et les petits garçons, et qu'il s'en était servi. Or, ça, c'est une chose qui n'avait jamais figuré dans aucune biographie de Sade, parce que les gens fantasment toujours autour de Sade. On s'applique toujours à l'affaire d'Arcueil, l'affaire de Marseille. Bon, qui sont effectivement des affaires qui ne sont pas très très graves en elles-mêmes, mais les véritables délits, il les a commis après. Oui, Annie Lebrun, on sent bien que, effectivement, là, et d'ailleurs il l'a écrit dans sa correspondance, Sade n'a pas du tout été amendé par la prison. Au contraire, il dit on m'enfonce encore plus dans ce qu'on appelle mes vices. Oui. Mais alors, pour les lecteurs de Sade aujourd'hui, il y aurait sûrement une façon d'accepter les pages les plus insoutenables, notamment sur les 120 journées de Sodome, si on pensait qu'en fait, dans ses livres, le marquis de Sade avait voulu peindre la noirceur de l'âme humaine pour dire « regardez ce qu'il ne faut pas faire ». Mais ça serait une lecture complètement erronée de Sade. Sade n'a pas, ne semble-t-il, pas d'envie de montrer la noirceur de l'homme pour dire « voilà ce que vous êtes et ce qu'il ne faut pas faire ». Il n'a pas du tout ce culte de la morale. Ni de la pédagogie. Ni de la pédagogie. Non, écrit pour lui, en même temps. Il écrit, effectivement, il dit « voilà ce qu'est l'homme ». Il y a un de ces personnages qui dit quelque chose, moi, que je trouve extraordinaire, justement à Justine, qui veut toujours des recettes morales. Il lui dit « moi, Justine, je ne suis pas consolant, je suis vrai ». Et je pense que c'est aussi ce qui définit le mieux l'attitude de Sade. C'est un peu comme Machiavel. Hein. Le machiavélisme existait bien avant que Machiavel existât. De la même façon, le sadisme existait bien avant que Sade existât. Mais la grandeur de ces personnages, c'est de saisir ce dont il s'agit et de montrer. et de montrer. Et en l'occurrence, en ce qui concerne Sade, c'est de montrer que à l'origine du désir, il y a toujours la criminalité. Et je pense que il y a un plaisir aussi de la part de Sade, peut-être aussi un plaisir sadique, justement, de montrer aux hommes ce qu'ils ne veulent pas voir. Après sa mort, Miles Davis, réédité chez Sony Music, c'est un coffret de 3 CD qui sortira le 30 octobre, In a Silent Way. Annie Lebrun, on a vu que le marquis de Sade opposait à cet intérêt général qui sous-tendait l'esprit des Lumières, l'intérêt particulier. Mais il y a quelque chose qui peut être gênant, même quand on aime la liberté et la liberté individuelle, c'est que ce qu'il appelle son intérêt particulier, c'est celui des puissants. Il ne se préoccupe jamais de la liberté ou de l'intérêt particulier des autres. Est-ce qu'en ça, il n'est pas le pur produit de sa classe, c'est-à-dire le grand seigneur qui dit « tel est mon bon plaisir » et s'il y a des victimes qui périssent ou qui en souffrent, ça ne me concerne pas. Dans l'œuvre de Sade, il n'y a jamais présente la douleur ou le refus des victimes. Ce sont des victimes, elles passent, elles n'ont même pas de figure. Oui, c'est pas un penseur social, le moins qu'on puisse dire. Oui, ça, effectivement. Mais il est sûr que son intérêt est ailleurs et que il a payé quand même de sa vie cette asocialité. Ce qui l'intéresse, dans le fond, quand vous avez fait allusion aux 120 journées de Sodome, qui est pour moi toujours un livre pratiquement illisible, je suis toujours malade quand je le relis. Ce qui l'intéresse d'évoquer toutes les passions de l'homme, toutes les passions érotiques qui sont irrécupérables, c'est-à-dire qui sont socialement irrécupérables. C'est quand ces passions sont criminelles. C'est cette sorte de férocité qu'il y a dans l'homme, c'est ça qui le fascine. Bon, un de ces personnages dit il n'y a pas d'homme qui bande, qui ne soit un despote. Il est sûr que quand on réfléchit sur les forces qui sont en jeu en nous-mêmes et quand il s'agit du désir, on sent bien qu'il y a une violence qui dépasse complètement l'individu. Et c'est ça aussi qui fascine ça. C'est ça qui l'intéresse. Bon. Et d'un autre côté, c'est aussi, il y a cet enjeu considérable chez lui, de voir est-ce que la pensée tient devant cette violence, et cette violence qui est pour lui de la même nature que les orages, que les tremblements de terre. Et c'est aussi le fait de mettre en rapport l'homme avec les forces destructrices de l'univers qui fait aussi la grandeur de sa pensée. Il y a une sorte de défi continuel entre la nature sous ses formes les plus destructrices et sa propre pensée et sa propre réflexion. Et est-ce que je vais tenir, est-ce que la pensée tient devant ça? Et c'est le pari qu'il a fait. En même temps, Annie Lebrun, il envisage donc la violence dans les rapports individuels, mais il la rejette absolument dans les rapports du pouvoir à l'individu, puisque c'est un anti-royaliste. Enfin, il refuse le despotisme royal, il refuse le despotisme de la justice. On va écouter un texte de lui lu par un acteur. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai, je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde. Et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur. C'est celle des autres. Un voyageur suit une belle route, on la semait de pièges, il y tombe. Dites-vous que c'est la faute du voyageur ou du scélérat qui a tendu le piège? Si donc, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons nous dire un éternel adieu. Car je sacrifierais plutôt que 1000 vies et 1000 libertés si je les avais. Ces principes et ces goûts sont portés par moi jusqu'au fanatisme. Et le fanatisme est l'ouvrage des persécutions de mes tyrans. Plus ils continuent leur vexation, plus ils enracinent mes principes dans mon cœur. Et je déclare ouvertement qu'on n'a pas besoin de me jamais parler de liberté si elle ne m'est offerte qu'au prix de leur destruction. Annie Lebrun, Sade ne vit que dans le défi par rapport à Dieu, le défi par rapport à l'autorité, par rapport à la justice. Par rapport à la nature, oui. Mais c'est aussi ce qu'il y a de fascinant dans cette pensée qui est pratiquement la révolte absolue et qui refuse tout ce qui va mettre des limites à sa façon de se concevoir et de concevoir son rapport dans la nature, son rapport à la nature et au monde. Mais aussi, il faut bien voir que cette révolte-là, donc quand vous dites qu'il était aussi, enfin, est à l'origine d'une des plus fondamentales critiques contre la loi. Et il faut bien voir aussi que le même Sade, qui justement a fait cette critique de la loi de façon radicale, est aussi un des premiers adversaires de la peine de mort. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, il a pris des risques, d'ailleurs, pendant la Révolution, pour s'opposer à la peine de mort, parce que la peine de mort est l'émanation de la loi. Autant il est pour le crime, autant il est contre cette façon froide, non passionnée, parce que aussi ce qui est remarquable chez Sade, c'est le fait d'avoir mis la passion au centre de la pensée. Et pour lui, donc, la loi et la loi qui condamne froidement à la mort est vraiment pour la chose la plus monstrueuse qui soit. This station dull, boring dull. This station dull, boring dull. This station dull, boring dull. This station dull, boring dull. This station dull, boring dull. This station dull, boring dull. This station. Watch me now. Manu Chao, Mary Blues, Annie Lebrun, je vous présente Sophie Joubert. Bonsoir. Qui est chargée de faire une série de reportages dans cette émission et qui, en hommage, mais en hommage très calme, rassurons-nous, à Sade, est allée rechercher quelqu'un qui a, elle aussi, puisqu'il s'agit d'une femme, la passion de l'écriture. Mais oui. C'est une fanatique des lettres. Voilà, des lettres, exactement. Elle s'appelle Marie-Dominique. C'est une dame aux cheveux blancs et au rire de petite fille qui vit près de Nantes dans un appartement aux murs tapissés de classeurs roses dans lesquels elle conserve précieusement quelques 5000 enveloppes. Alors les lettres, bien sûr, c'est toute sa vie. Elle en reçoit une dizaine par jour et en envoie autant. Elle aime les mots, l'écriture, bien sûr, mais aussi l'objet, lettre, qui devient sous ses doigts presque un objet d'art. Alors, c'était difficile de concentrer toute une vie dédiée à la correspondance en 4 minutes. Alors, exceptionnellement, cette semaine, on va la retrouver tous les soirs. Aujourd'hui, premier épisode, Naissance d'une passion. Quand j'étais petite, il y avait 2 valises entières, pleines de lettres, dans le bas d'une armoire. C'est une armoire qui était dans le grenier. Il y avait une odeur de bois chauffé dans le grenier, enfin l'odeur des vieilles poutres et tout. Et dans l'armoire, il n'y avait que des merveilles. C'est-à-dire qu'il y avait les valises de lettres de maman, il y avait tous les souvenirs de mon père qui avait fait son service militaire pendant 3 ans dans le Maghreb, avant la guerre 39-45. Alors, je me souviens, il y avait même un scorpion séché, il y avait des roses des sables, il y avait toutes les photos du Maghreb, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, avec les zouaves, beaucoup de photos, beaucoup de cartes postales, bon, tout ça. Et puis, les lettres de maman, donc, parce que, bien sûr, le jeudi après-midi, on avait le droit de monter dans le grenier quand il pleuvait et de jouer dans le grenier. Donc, bien sûr, on ouvrait l'armoire, on a regardé, j'ai lu les lettres, en fait. Et dedans, il y avait les photos, les mèches de cheveux, les rubans, les médailles, enfin toutes sortes de choses qu'on pouvait s'envoyer à cette époque-là. Les belles écritures aussi, parce que bon, les gens avaient une calligraphie très belle. Et en plus, pour moi, c'était assez fabuleux, parce que je ne savais pas trop qui étaient ces gens. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à les identifier, y compris les gens de la famille. Il y avait des gens de la famille, soit qui étaient morts, soit dont j'avais jamais entendu parler. Bon, et je ne savais pas trop bien qui étaient ces correspondants, donc c'était des gens mystérieux. Et j'ai su beaucoup plus tard, d'ailleurs, pour beaucoup, j'ai su beaucoup plus tard qui ils étaient. Vous vous souvenez de la première lettre que vous avez reçue en votre nom propre? Est-ce que ça a été un événement important? Non. Non, parce qu'en fait, dans la mesure où je baignais comme ça dans les lettres, à la fois par maman et par mon père qui était facteur, en fait, non, ça ne m'a pas marqué la première lettre. Et la première lettre que vous avez envoyée, c'était à qui? Ben, en fait, c'est quand j'ai su écrire. Dès que j'ai su écrire, dès que j'ai su écrire, on m'a chargée d'envoyer les lettres de vœux pour la famille. Et je me souviens très bien que j'avais encore du mal à écrire. C'est-à-dire que je m'appliquais sur les lignes et c'était pas facile. Et j'écrivais à ma grand-mère paternelle. Et après, on recevait une petite carte de ma grand-mère paternelle. Avec. Alors, les petites cartes d'autrefois, là, vous savez, où il y avait de la neige dessus. Et voilà. Mais je crois que c'est ça, mes premières lettres. Peut-être. Je me souviens plus de mes premiers poèmes que de mes premières lettres. Peut-être parce que c'était un peu pareil. Les lettres, pour vous, c'est des poèmes, ça pourrait être des chansons aussi, peut-être. C'est tout ce qu'on peut s'envoyer de poétique, ou de très intime, de très personnel, de très... Bah, par exemple, il y a l'énorme plaisir, quand on fait de l'art postal par exemple, l'énorme plaisir de descendre à la boîte aux lettres le matin et puis de trouver toutes ces lettres qui sont en fait, d'une certaine façon, des enluminures, des lettres enluminées. Je suis d'une certaine façon obligée de répondre tout de suite. Je réponds du tac au tac. Parce que peut-être je suis assez impulsive, je pense. Mais parce que si je mets trop de temps à répondre, ça perd sa saveur et sa vie, son immédiat. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Son parfum. Son parfum, voilà, c'est ça qui est plus juste. Sophie Joubert, nous retrouverons donc avec plaisir tous les soirs de cette semaine cette charmante dame qui aime les mots, les papiers, les lettres et qui les collectionne. Voilà, demain on parlera du papier. Annie Lebrun, vous-même, c'est le Sade épistolier que vous préférez. Vous avez... Oui, mais c'est quand même... Je me demande si ce n'est pas par sadisme que vous m'avez fait écouter cet épisode consternant. Mais bon, on peut passer aux antipodes. Hein. Mais c'est dans les lettres que Sade se révèle le plus et qu'il montre le plus sa liberté de penser, cette pensée jaillissante qu'il a. C'est moins contraint que dans ses romans. Non, c'est jamais contraint chez lui, mais ce qu'il y a de pour moi, ce qui m'a paru bouleversant dans cette correspondance, c'est que qui est une correspondance de prison et que pas à un seul moment il y a quoi que ce soit de sentimental, d'affectueux, de mendiant, de sentiments mendiants comme on en a l'habitude, enfin, comme les lettres en sont remplies en général, et que justement, on sent toujours cette sorte de personnage continuellement révolté, et les correspondants lui servent en quelque sorte de prétexte à affirmer et ses positions et sa révolte. Et ça, je pense que ce qui fait que peut-être pour aborder ça, effectivement, quand on peut lire sa correspondance, c'est très intéressant. Annie Lebrun, c'est par goût de la provocation que vous avez employé l'expression « conte de fées » pour définir les romans de Sade qui sont tous sauf des contes de fées pour ceux qui les lisent. Non, pas seulement par provocation. C'est parce qu'il y a aussi, justement, dans cette idée que le désir est lié à la criminalité, on retrouve les terreurs de l'enfance. On retrouve chez Sade, par exemple, il y a le personnage dans Juliette de l'ogre, Minsky, et toutes ces choses qui font les contes de fées et qui font aussi ces contes qui peuvent nous faire peur, Sade les a mis en scène avec des personnages adultes. Et d'ailleurs, Breton est le premier justement à avoir vu cela. D'un autre côté, je voudrais dire aussi l'importance de Sade, c'est que si Sade est immoral, c'est sûrement un des plus grands moralistes, parce que pour lui, il n'y a pas d'idée sans corps, et pas plus qu'il n'y a de corps sans idée. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de le souligner, parce qu'on vit justement une époque où on n'arrête pas de nous montrer et d'exalter des corps sans idées, et d'un autre côté, de formuler des idées sans corps, et d'oublier que les idées ont un poids de sang, et d'un autre côté, ce que dit Sade continuellement, c'est que la liberté est dangereuse. Merci infiniment Annie Lebrun, et je rappelle que parmi les nombreux écrits que vous avez consacrés à Sade, Folio, qui est une réédition d'un livre paru en 1985, on trouve maintenant en folio « Soudain, un bloc d'abîme, Sade ». C'est un livre d'Annie Lebrun, comme Sade, Allée et Détour, chez Plon, en 89. Merci à vous.